La mène, c'est une manche dans une partie de boule. Elle commence quand tu traces le rond et que tu escampes le bouchon. C'est le même mot que pour le jeu de cartes. Le pétanqueur doit se tenir dans le rond, si tanqué. Normalement, le rond mesure entre 35 et 50 cm de diamètre. Dans les grandes compétitions, un cercle de départ est fourni et le joueur ne doit pas moussiguer. Il ne doit pas mordre sur le bord du rond, sous peine de voir sa boule annulée. Dans les parties entre amis, on ne s'inquiète ni de la forme, ni de la taille précise du rond. Reste à le dessiner avec le doigt, une branchette ou tout autre instrument improvisé. Mais tu ne traces pas le rond avec le bouchon, ça l'escagasse, ça l'abîme. À l'issue de la mène, on comptait les points. Une équipe qui a fait une grosse mène marque 4 points ou plus. Elle fait des points à boudre, en quantité, de quoi remplir une banaste, une corbeille. En règle générale, la partie se termine lorsque le total des points atteint 13. Les premiers qui capitent les 13 points ont gagné. Mais, dans le temps, les parties pouvaient se faire en 15 ou même 21 points.